bien comme un pouka. J'ouvre la bouche car je vocale. Dans le viseur que des bâtards. J'te fume ta mère, j'entends placard. J'encule les decks et le pouka. Que des matchs sur la blota. Tu m'as vu, moi j'te vois pas. Dans le KFV, plein dans le ZAN. 3-3-5-7 sous la ceinture. Benzema, crochet, coup du foulard. 69 sur la queue plat. Mireille, son jeu avec sa kebra. A en garde trop, j'te dis comme ça. On veut le million et se barrer de la stopper les kahbats d'Arbeda. La bonne frappe de Kdema. Tous mes harbi à Marbella. En train de négocier la selle pour monter le shit, faut dire que les wa. 2-50 dans les restes 3. A en garde trop, j'te dis comme ça. On va les blesser. Une balle dans le genou gauche, c'est sur quel pied danser. En partant flow par la fenêtre, non j'ai rien balancé. Ramène la juge quand la touche pas. Attaque soviétique, rare, pousse-toi. Y'aura des blessés, y'aura des blessés. Laisse pas sortir ton fils ce soir, y'aura des blessés. Y'aura des blessés, y'aura des blessés. Laisse pas ta pouf venir au showcase, on va la baiser. Allez, dis-moi où sont les lovés. Ah ouais, je vais commencer par les mollets. On est venu innover. Oh, ça vient de Vodarino. La ta dans ta vitre. 6-9 de costaud, on t'allume quand tu sors du rospo. Dans un dîner de couple au resto. Cala, cala dans la tête des petits. Aucun cala avant de dormir. Tu peux la pillard, tu sors gardable. Tricard comme un rat de la barda. Un bon taf, dur dur à trouver une feuille au CB en fin de résoir. Y'a plus de vodka chez l'épicier. Tu t'es fini au rhum coca. À quand la villa sous l'équateur? C'est du porno, le morceau est sur Brazzer. Une balle dans le genou gauche, c'est sur quel pied danser. À part ton flow par la fenêtre, non j'ai rien balancé. Ramène la juge quand la touche pas. Attaque soviétique, rare, pousse-toi. Y'aura des blessés, y'aura des blessés. Laisse pas sortir ton fils ce soir, y'aura des blessés. Y'aura des blessés, y'aura des blessés. Laisse pas ta pouf venir au showcase, on va la baiser. Yeah, j'ai SX. Skrrr. Prends les sales. Y'aura des blessés, hélas. J'rachète ton contrat. J'ai le flow à Olas.